prendre des décisions, développer son équipe, transformer son entreprise, s'ouvrir sur le monde. Être manager, c'est relever des challenges au quotidien. Avec Germ, rejoignez 2500 managers et cadres dirigeants de TPE qui, comme vous, souhaitent partager leurs expériences, apprendre et progresser tous ensemble. Placer l'humain au cœur de la transformation du monde professionnel, c'est la vocation de Germ, le réseau de progrès des managers. On ne naît pas manager, on le devient. Rejoignez-nous sur germ.com. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui sont les Incas? Comment expliquer leur expansion éclair et leur chute brutale? Voilà une histoire dans laquelle se mêlent les clichés. Une flûte de Pan et des lamas, un temple du soleil et les mystérieuses cités d'or, Cusco et le Machu Picchu, Pachamama et le Titicaca. Le Titicaca, un lac qui a fait rigoler des générations d'écoliers. À travers les clichés, c'est le destin du plus grand empire de l'Amérique précolombienne. Les Incas. Déjà, le nom évoque tout un imaginaire. Peter Eickhout, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et justement, je parle tout de suite en évoquant les Incas de tous ces clichés. Effectivement, nous avons notre imaginaire Inca. Vous êtes grand connaisseur de ce monde-là. Est-ce que notre imaginaire est très éloigné de ce que vous étudiez avec les sources archéologiques autour des Incas? Alors les Incas, évidemment, on pense aux grandes cités, comme vous l'avez mentionné, les cités de pierre, avec cet appareil cyclopéen extraordinaire. Ça, elles existent, peut-être pas à la dimension à laquelle on les fantasme, mais elles existent. L'or, il existait, le fameux Eldorado et tout ce qui a trait au trésor que les conquistadors sont allés chercher du côté du Pérou et ailleurs. Donc il y a une partie de l'imaginaire qui repose effectivement sur des faits avérés. Et puis il y en a d'autres qui évidemment, sont considérablement exagérés par rapport à la réalité. Peter, écoute, il faut bien mentionner la temporalité de cet empire, parce que quand nous évoquons la notion d'empire, d'Amérique précolombienne, nous sommes sur des temps qui nous paraissent très longs. En réalité, avec cet empire Inca, il y a une chronologie assez courte. Alors, d'une part, elle est très courte, effectivement, puisque l'Empire Inca, à proprement parler, c'est à peu près un siècle, pense-t-on, peut-être un petit peu plus au regard des recherches récentes, mais on se place au 15e et au 16e siècle de notre ère. Et les Incas sont un peu la partie émergée de cet immense iceberg des sociétés précolombiennes qui, depuis, à ce moment-là, 15 000 ans, se occupent le territoire des Andes centrales, sur lequel l'Empire Inca s'installera par la suite. Donc on est vraiment dans l'extrême pointe, si vous voulez, de la préhistoire. Et puis avec ce mot que vous avez évoqué au pluriel, ces sociétés précolombiennes, les Incas, en fait, si nous cherchons un peu leurs origines, nous sommes sur une des composantes des très nombreuses sociétés, une des tribus, disons-le, j'utilise un mot mais vous allez me corriger, qui a réussi. Oui, c'est cela. En fait, les Incas sont une de ces multiples ethnies qui, par exemple, entre le 10e et le 14e siècle, se trouvent dans les montagnes du sud du Pérou. Les paysages que l'on imagine, les sommets enneigés, la cordillère, les alentours de Cusco, le fameux Machu Picchu, qui alors n'existe pas encore. Et ces petites ethnies, ces petites chefferies, parmi celles-ci, il y en a une qui va s'imposer par rapport aux autres. Ce sont ceux que l'on appellera par la suite les Incas, même si en réalité, Inca, en tant que tel, au départ désigne davantage le chef et puis par la suite l'empereur, on l'appelle l'Inca, l'unique Inca, et que les Incas, à proprement parler, à cette lointaine époque où ils ne sont pas encore un empire, où ils sont encore une société relativement simple, on va dire, en termes d'organisation, s'appellent plutôt les Quilqués. En tout cas, c'est le nom qu'on leur a donné dans la terminologie archéologique. Le nom qu'on leur a donné, ce nom de... Alors, que nous avons conservé, celui d'Inca, est un mot compliqué, un mot qui signifie quelque chose qui porte un imaginaire lié pour nous à l'Empire, mais qui, aux origines, nous rapporte à un territoire assez précis. Bonjour, Laurent Segalini. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes chercheur associé au laboratoire archéologie des Amériques, l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et le CNRS. Vous êtes ethno-historien. Et justement, nous évoquons ce peuple, ces Incas, celui des origines. Alors, où nous trouvons-nous? Alors nous nous trouvons dans la Sierra centre-sud du Pérou, Et donc autour de la cité de Cusco, qui est le berceau de la culture inca. Voilà, donc à 3400 mètres d'altitude. Et ce qui est intéressant, c'est un point de recouvrement entre les deux grandes civilisations de l'horizon moyen, Tiahuanaco et Huari. Donc voilà, l'héritage se fait aussi géographiquement par rapport à ce qui a précédé. On est vraiment un point de contact entre deux cultures préalables. Et puis avec cette ville tout de suite qui évoque ce monde inca, Cusco, c'est parti, voyage. Changeons de monde, essayons de le mieux connaître. Nous nous envolons vers Cusco, capitale de la civilisation inca. Cusco, Sacsayhuaman, Machu Picchu, citadelle où ont siégé les fils du soleil. Culte religieux, trésor des Incas, source d'or fabuleuse, cité construite à 3400 mètres d'altitude, un monde. Là-bas, au fond de la vallée, voici le Cusco qui vient à nous. On reçoit Cusco comme un souffle violent en plein visage. La rue attire, les Indiens s'y tiennent, les Indiens, non, plutôt les Incas. Fini la splendeur de cet empire, cette ville depuis des siècles se fraye un chemin parmi les difficultés de toutes sortes. Cusco, présenté dans l'émission télévisée Voyage sans passeport, c'était en 1959. Effectivement, cette ville de Cusco est importante, Laurence Egalini. Quelle est-elle? Qu'est-ce que cette ville? Pourquoi cette ville? Pourquoi est-elle choisie par les Incas pour devenir ce centre magique? Probablement parce qu'ils en étaient peut-être même originaires. C'est-à-dire que les mythes d'origine qu'ils distillent, il y en a deux grands, disons. L'un les fait provenir du lac Titicaca et d'autres d'une localité située à une vingtaine de kilomètres de Cusco. Mais il est très probable qu'ils occupaient déjà la vallée avant d'émerger comme puissance régionale et ensuite comme empire. Et une fois que cela est dit, il faut savoir comment ils ont réussi à émerger. Hein, Peter, et écoute, c'est vrai que la question se pose, pourquoi eux comptent-ils de plus par rapport aux autres qui leur permettent d'établir cet empire? Alors, au départ, effectivement, c'est une ethnie parmi d'autres dans cette région qu'on a précisé. Ils vont s'imposer parce qu'ils semblent particulièrement rusés. Ce sont des stratèges. Ils vont établir, semble-t-il, une série d'alliances de divers ordres, mais également se battre pour imposer leur hégémonie dans les territoires alentours. Au regard de l'archéologie, il semble également qu'un certain nombre de facteurs climatiques aient joué dans un développement plus heureux dans certaines parties de ce qui deviendra l'Empire qu'à d'autres, et les Incas en auraient profité. Voilà, donc alors il faut toujours se méfier de ce déterminisme écologique, mais enfin il y a une série de circonstances qui font que les Incas vont finir par s'imposer par rapport aux autres. Et c'est ce qui, au final, va déclencher aussi l'expansion dite impériale. L'expansion impériale qui est très impressionnante. Hein. Laurent Segalini, si nous continuons à réfléchir en géographe, en regardant cette carte de l'Amérique du Sud, nous avons une expansion très impressionnante. Oui, absolument. Et rapide. Et rapide, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le rappelait M. Ekaout, en une centaine d'années, est constituée une emprise sur un territoire qui s'étend sur à peu près 4000 km de long, environ à peu près 2 millions de kilomètres carrés, mais qui, voilà, du fait même de sa dynamique de constitution rapide, s'effondrera aussi rapidement par la suite, parce qu'il tenait sur des ressorts finalement au fond fragiles. Ouais, des ressorts au fond fragiles, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Comprendre pourquoi, comment, en si peu de temps, il y a une telle expansion. Un siècle, hein, vous nous l'avez rappelé, c'est en fait très court. Et puis cette chute brutale sur laquelle il faudra revenir. Alors bien sûr, quand nous parlons d'empire, nous pensons tout de suite à l'aspect militaire. Et oui, un empire, ce sont des conquêtes. En réalité, non, l'empire Inca, Peter Ekaout, ça ne se construit pas ainsi. Il y a bien d'autres aspects à mettre en compte, à prendre en compte pour comprendre le succès Inca. Oui, effectivement, et c'est ce qu'on appelle parfois, enfin c'est ce que j'appelle parfois la conquête des cœurs, c'est-à-dire qu'il y a une partie de conquête militaire, mais très rapidement les Incas vont pouvoir placer face à leurs adversaires des armées qui sont d'une telle dimension qu'aucun ne peut sérieusement s'opposer à eux. Donc il y a pas mal de stratégies et pas mal de discussions et de négociations qui aboutissent finalement à des sortes de paix des braves très rapidement, parce que bon, on n'est pas fou, hein, on ne va pas s'opposer à des armées qui parfois sont de l'ordre de 100 000 hommes quand on n'en a que 3 000, d'une part. Et puis il faut considérer également l'aspect religieux des conquêtes incas. Là, on essaye évidemment, nous, depuis notre point de vue occidental européen du XXIe siècle, de parler d'empire, de parler de conquête, de parler d'hégémonie. En réalité, on est là dans les Andes, dans des mondes qui sont animés à plus d'un titre. Il n'y a pas que les humains, il y a également les montagnes, les fleuves sacrés, etc. Et tout ça forme une topographie que les Incas entendent bien s'approprier également et jouer de cela pour s'imposer auprès des peuples. C'est ce qui explique qu'à la fois on a cette hégémonie et cette administration qui s'installe dans l'empire à différents degrés, mais également pas mal de pèlerinages, de temples qui sont construits, de divinités de telle ou telle région, de telle ou telle ethnie vaincue, qui va être intégrée dans le panthéon inca. Donc on a, disons de façon multiforme, hein, une espèce de conquête globale, si vous voulez, où les Incas se présentent comme les héros civilisateurs, ceux qui apportent tous les ferments de la culture et de la civilisation, et ceux qui, et ça c'est leur propagande, c'est assez paradoxal, ceux qui vont apporter la paix dans un monde qui, avant eux, était livré à la barbarie et au conflit. D'ailleurs, c'est très intéressant là ce que vous nous dites, parce que immédiatement autour de la notion d'empire, nous pensons à celle d'unité. Mais Laurent Segalini, en fait, ce serait plus le mot diversité qui doit être mis sur la table quand on parle de l'empire inca. Alors diversité, oui, diversité des populations, diversité des mœurs, des cultes, mais en même temps grande unité culturelle malgré tout. Les populations de la période Inca sont héritières de grands mouvements, de civilisations, de grandes cultures transandines qui se sont effondrées ensuite, reconstituées. Donc il y a malgré tout un héritage partagé. Et puis des cultes également, l'importance du soleil, l'importance de la lune, du grand dieu Huilacocha qui, avec des noms différents, a été adoré dans un certain nombre de lieux du Pérou. Ce qui était vraiment spécifique, c'était les petites divinités locales. Mais voilà, il y avait un substrat commun, profond et ancien, et y compris jusqu'à un certain point linguistique. Oui, je suis très content d'ailleurs que vous évoquiez ce substrat, Laurent Segalini, parce que ce ne sont pas quelques Incas qui décident de s'installer dans un coin, tenez Cusco, et puis bâtir un empire. Ce n'est pas aussi simple comme ça, la construction d'un empire. Il faut rappeler à combien il existait avant les Incas d'autres civilisations. Alors certaines avaient périclité, avaient disparu, mais elles avaient déjà mis les bases d'une construction d'un État. Et les Incas héritent de tout cela, Laurent Segalini. Tout à fait, et d'ailleurs eux-mêmes se sont réclamés implicitement de la civilisation de Tiahuanaco, voilà qui a fonctionné du 5e, 6e siècle jusqu'au 10e siècle autour du lac Titicaca jusqu'au Chili, et notamment ce qu'on apprécie particulièrement de l'architecture inca, ces blocs parfaitement ajustés, etc. Ça a été inspiré directement par l'architecture de Tiahuanaco, et c'est un lieu qu'ils ont repris à leur compte en y installant d'ailleurs leur origine. Donc ils se sont rattachés directement à cette civilisation-là. Oui, se rattacher à des civilisations du passé, mais c'est un procédé extrêmement classique. Sauf que avec les Incas, nous avons peut-être un manque de sources, de documentation, au sens où l'écriture même de l'histoire inca est difficilement accessible. Hein, Peter, faut que je prononce bien votre nom. Hein, Peter, écoute, dites-moi, combien avons-nous de traces, d'écrits, de récits des Incas? Nous savons que pour les Mayas, il y a toute une forme d'écriture. Qu'en est-il pour les Incas? Alors, pour les Incas, disons que ce que l'on raconte des Incas, ce que l'on a raconté des Incas pendant fort longtemps, ne provient pas des Incas eux-mêmes qui n'auraient pas inventé l'écriture, mais des chroniques espagnoles à partir du XVIe siècle qui, de la part à la fois des conquistadors ou des secrétaires des conquistadors, des administrateurs de la couronne, des ecclésiastiques, etc., rendent compte un petit peu de ce qu'ils voient et se font raconter par leurs informateurs, principalement du Cusco d'ailleurs, alors qu'on parle d'un grand empire, hein, comme mon collègue l'a rappelé, se font raconter à la fois l'histoire, les mœurs, l'organisation sociale, etc. Donc on a des sources, si vous voulez, indirectes, pas directement incas. Alors, les Incas eux-mêmes n'auraient, comme je le disais, pas inventé l'écriture. En tout cas, c'est ce que l'on pensait jusqu'à il y a peu. Mais des recherches extrêmement récentes et en cours de publication mettent en évidence que dans les registres Incas, qui se présentent d'une façon tout à fait différente de celle des livres ou même des tablettes auxquelles nous on pourrait songer, eh bien, dans ces quipus, dans ces cordelettes à nœuds, que l'on a l'habitude de voir comme des sortes de livres de contes, qui en réalité seraient des recensements et des choses comme ça, il y a une partie de ces instruments qui, en réalité, pourraient correspondre à une écriture. Donc ça, c'est vraiment le cutting edge de la recherche. On est en train de voir ce que l'on peut en tirer éventuellement. Mais disons que jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à les déchiffrer totalement. Et ce serait merveilleux parce qu'alors, on aurait une vraie vision de l'intérieur de l'Empire, ce que l'on n'a pas eu jusqu'à présent, puisque c'est toujours via les Espagnols, de manière indirecte, si vous voulez, que l'on a toutes ces informations sur l'Empire Inca. Oui, parce que l'Empire Inca est un empire qui a été décrit, hein, il faut le rappeler, il y a énormément d'études autour des Incas. Alors bien sûr, nous évoquons les Espagnols parce qu'ils sont très importants pour avoir narré un peu ce qu'ils ont découvert. Il n'y a pas que les Espagnols, parfois il y a aussi des Allemands, von Humboldt. Quoique les traditions n'indiquent aucune liaison directe entre les peuples des deux Amériques, leur histoire n'en offre pas moins des rapports frappants dans les révolutions politiques et religieuses, desquelles datent la civilisation des Aztèques, des Muiscas et des Péruviens. Des hommes barbus et moins basanés que les indigènes d'Anahuac, de Cundinamarca et du plateau du Cusco, paraissent sans que l'on puisse indiquer le lieu de leur naissance. Grands prêtres, législateurs, amis de la paix et des arts qu'elle favorise, ils changent tout d'un coup l'état des peuples qui les accueillent avec vénération. Quetzalcoatl, Bochica et Manco Capac sont les noms sacrés de ces êtres mystérieux. Quetzalcoatl, vêtu de noir en habit sacerdotal, vient de Panuco, des rivages du golfe du Mexique. Bochica, le Bouddha des Muiscas, se montre dans les hautes plaines de Bogota, où il arrive des savanes, situées à l'est des cordillères. L'histoire de ces législateurs, que j'ai tâché de développer dans cet ouvrage, est mêlée de merveilles, de fictions religieuses, et de ces traits qui décèlent un sens allégorique. Le naturaliste explorateur allemand Alexandre von Humboldt, en 1810, s'intéresse à ces peuples, à ceux des cordillères, hein, vue des cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique. C'est une lecture d'Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture. Justement, Laurent Segalini, il y a un intérêt porté, alors bien sûr par les conquistadors dans un premier temps, mais ensuite, parce que là, avec Humboldt, nous sommes au 19e siècle, pour tenter de comprendre comment cet empire a pu fonctionner tellement il est grand. Comment a-t-il pu fonctionner? Alors, grâce à une administration particulièrement rigoureuse, une armée de fonctionnaires répandus sur l'ensemble du territoire, et puis une pyramide hiérarchique qui s'étendait du Sapa Inca, donc du souverain unique Inca, pour le traduire, jusque au plus petit village des fins fonds de l'empire. Donc, avec voilà une pyramide descendante. Une armée de fonctionnaires qui balayait l'ensemble du territoire, organisait la production, la remontée des denrées, le contrôle des populations, leur déplacement éventuellement aussi. Oui, parce que vraiment, même aujourd'hui encore, hein, nous sommes surpris par cette organisation. Peter Ekaout, juste en regardant une carte, nous nous rendons compte de l'ampleur de cet empire. Il y a des routes aussi. Il y a, au-delà de l'administration, une réelle efficacité d'organisation. Et là, l'archéologie se régale. Il y a de très belles traces. Absolument. Hein. Il y a d'abord, vous en parlez, le réseau routier, ce que l'on appelle le Kapaknan, les voies royales, qui couvrent au moins 40 000 kilomètres à travers cet immense territoire qui va depuis les frontières actuelles de l'Équateur et de la Colombie jusqu'au Chili. Donc c'est assez immense, hein, avec l'équivalent de grands axes autoroutiers, si l'on veut, avec des transversales qui permettent ainsi de gagner assez rapidement les diverses parties de l'Empire avec des relais tout le long, où se trouvent d'ailleurs certains des fonctionnaires que mon collègue mentionnait à l'instant. Donc là, on a, de la part des Incas, une volonté incontestable de contrôler un territoire, alors même que, du point de vue technique, il faut bien garder à l'esprit que on n'a pas, par exemple, de bêtes de trait ou de bêtes que l'on puisse monter comme des chevaux ou des ânes. Donc tout se fait à pied. Il n'y a pas non plus de chariot. Pour les charges. Donc, éventuellement, des caravanes de lamas peuvent porter l'une ou l'autre chose. Mais donc, ça signifie que ce réseau routier, il est extrêmement important pour comprendre la manière dont les Incas s'approprient également un territoire. Alors, il faut le souligner. Tout ce que l'on raconte, ça a l'air merveilleux comme ça, et tout superbement bien organisé, hiérarchisé et tout, l'archéologie nous montre qu'en réalité, le contrôle, il était plus diversifié que cela, bien entendu. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, et que l'on a des arrangements différents en fonction des périodes et des régions qui vont être conquises. Hein. Donc là, on ne peut pas rentrer dans le grand détail, mais ce n'est pas aussi monolithique que ce qu'une fois encore, la propagande inca passée par les récits de certains Espagnols a voulu faire croire. Toujours passionnant hein, de déconstruire comme ça les clichés et de se rendre compte que, en effet, un empire bien administré n'est pas un cliché. Et puis après, la nuance, c'est très important avec ce que nous avons évoqué. Hein. Vous nous l'avez dit, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des fonctionnaires qui font partie des hommes et des femmes. D'ailleurs, il y a des dieux, les fonctionnaires aussi parfois font partie des dieux. Mais surtout, le mot a été prononcé, il y a les lamas. Bonsoir. C'est dans ce fantastique site Inca du Machu Picchu, situé à quelques 2500 mètres au cœur des Andes péruviennes, que l'équipe des Animaux du Monde a installé provisoirement ses caméras. En effet, quel endroit plus propice que cette cité de pierre pour vous présenter deux animaux les plus représentatifs de la faune du Pérou, le lama et la vigogne. Au Pérou, ce pays où, selon la légende, le soleil resplendissait alors que les ténèbres régnaient partout, il est difficile de dissocier les animaux des traditions. Pour les Indiens et pour leurs ancêtres les Incas, vigogne et lama étaient certes utiles, ils servaient pour la laine et pour la viande, mais ils étaient aussi sacrés et figuraient dans beaucoup de cérémonies religieuses. En vous présentant ces camélidés sud-américains, nous vous présentons le pays, mais aussi une part importante de son histoire. En 1981, dans l'émission Les Animaux du Monde, il est question des lamas. Peter Ekaout, les lamas, alors cliché ou réelle importance? Et nous pouvons même aller au-delà de la simple question de dire à quoi servait un lama. C'est quel symbole porte le lama? Alors le lama, c'est un animal qui est domestiqué depuis plusieurs milliers d'années lorsque les Incas font leur entrée sur la scène andine, si je puis dire. C'est un animal de bât, il peut porter 20-30 kilos, donc c'est plutôt par caravane entière de lama qu'on l'utilise de cette façon. C'est un apport de viande, un apport de protéines animales évidemment, même si, la consommation de viande, elle n'est pas journalière bien entendu, hein, comme dans la plupart des sociétés anciennes, elle est plutôt ponctuelle et réservée aux élites. Et puis c'est un animal qui est extrêmement important aussi du point de vue symbolique. Par exemple, une constellation identifiée par les Incas et par leurs contemporains s'appelle la constellation du lama. Il y a pas mal de mythes qui ont été recueillis et qui parlent de lama. Et puis le lama a une importance rituelle, c'est-à-dire qu'il est également utilisé dans les cérémonies et dans les sacrifices. Donc on sacrifie régulièrement des lamas, parfois avec certaines caractéristiques particulières, de pelage par exemple, et on le fait à diverses occasions. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, je me permets de faire une petite incise, c'est que les conditions de conservation dans certains sites incas, du Pérou notamment, permettent de mettre au jour ces sacrifices. C'est ce que nous avons fait à Pachacamac notamment. Donc là, on a la possibilité de tendre des ponts, si vous voulez, entre ce que l'on nous raconte des pratiques rituelles incas et ce que nous trouvons nous-mêmes sous le sol. Et alors justement, qu'avez-vous trouvé, Peter Eckhout? Eh bien, par exemple, quantité de camélidés. Alors, du point de vue, juste pour le signaler, hein, on a le lama et l'alpaga. Hein, et ce sont deux espèces qui ont été domestiquées, mais qui au départ viennent du guanaco et de la vigogne. Et donc, ces animaux-là ne sont pas toujours évidents à différencier lorsque, on les trouve sous forme de squelette en fouille. Mais donc, on avait ces deux animaux. Et nous, par exemple, nous avons trouvé soit des parties de corps, soit des corps entiers, donc des lamas, qui ont été sacrifiés à l'occasion de la fondation de certains bâtiments, ou bien pour accompagner des défunts. On pense également que lorsque on enterrait des morts, il y avait un banquet funéraire, et qu'à cette occasion, on consommait de la viande de camélidée, et qu'une partie d'ailleurs de cette... Une partie de cette viande de camélidée est partie dans... dans la tombe avec le défunt, et ça on arrive à le retrouver, c'est assez formidable. Et justement, quand il est question de toute cette croyance, cette religiosité, il y a des dieux, il y a des divinités, nous les connaissons parfois sous leur nom, Pachamama. Dans les vallées, règne la divinité appelée par les indigènes Pachamama. Rien n'est considéré comme plus beau, plus doux, meilleur, plus fécond, plus sublime que la mère. C'est elle la créatrice du monde et de l'homme. Féminine est la force divine qui engendre la beauté, qui inspire l'amour, qui séduit l'homme, l'attirant dans les vallées andines et l'y fixant à jamais. Femme est la patrie. C'est d'elle que l'on fait jaillir la source sacrée de la vie. Pachamama est, disent les aborigènes, la sainte terre qui nous donne tout, la créatrice de tous et de tout. Ce mythe nous raconte que lorsqu'un étranger qui chemine, égaré dans les montagnes, voit Pachamama, il reste fasciné par elle et il se fixe dans le pays pour n'en plus sortir jamais. Sibir, El Canto de los Pájaros, c'est la musique tirée du film du cinéaste bolivien Jorge Sanjinés en 1995. C'est absolument sublime. Mais juste avant, nous avons entendu la lecture par Olivier Martineau d'un extrait d'article publié dans le Figaro en 1923, un article signé Carlos Ibarguren, donc un universitaire juriste argentin qui évoquait Pachamama. Il y a avec Pachamama ici un nom d'ailleurs que l'on connaît, qui reste dans les esprits, alors toujours en quête des clichés à confirmer ou à infirmer. Peter Eckhout, Pachamama, qui est-elle? Alors, c'est la déesse terre, littéralement. Donc, c'est la personnification de la terre qui, vous l'imaginez bien, pour les Andins, les Incas et les autres, dont beaucoup sont des agriculteurs, recouvre une importance très particulière. Et d'ailleurs, c'est une des divinités andines que l'on connaît déjà de l'époque précolombienne et notamment des Incas. Elle faisait partie du panthéon Inca. C'était une divinité donc féminine, qui a, en quelque sorte, survécu jusqu'à nos jours. Hein, puisque dans certaines régions un petit peu reculées des Andes, il y a toujours un culte à la Pachamama de la part des paysans, mais j'ai pu aussi le remarquer moi-même, alors que je ne suis pas du tout dans des régions reculées, moi je fouille tout près de Lima, mais on fait par exemple, avec notre équipe de fouilles qui est composée en partie de péruviens et d'ouvriers péruviens, des offrandes à la Pachamama en début de campagne, et la plupart de mes collègues le font. Donc l'idée évidemment c'est celle de la réciprocité, la terre va me donner quelque chose, je dois lui donner quelque chose en retour, et donc ce don contre don classique se trouve là illustré de multiples façons au travers du culte de la Pachamama, et on pourrait citer beaucoup d'exemples. Et puis justement, dans cette tentative, et vous nous aidez, vous nous éclairez l'un et l'autre pour comprendre cet empire inca, il y a toujours la relation entre la divinité et le pouvoir. Laurence Egalini, quel est le lien fait entre l'autorité, alors vu que nous parlons d'empire, il y a un empereur, en tout cas le premier des incas, et puis la divinité? Le lien est très simple, c'est un lien de filiation. C'est-à-dire qu'un des titres de l'empereur, c'est Intipchurin, le fils du soleil, parce qu'il est descendant in fine d'un ancêtre fondateur, Manco Capar, qui lui-même aurait été engendré par le soleil. Et c'est d'ailleurs la promotion du culte solaire va accompagner l'expansion impériale. Les Incas accepteront tout à fait d'intégrer dans le panthéon officiel des divinités locales, mais à condition que les populations acceptent ce dieu soleil là en particulier, leur version à eux du dieu soleil en tout cas. Oui, il y a donc ainsi sans cesse une adaptation, un syncrétisme dans cet ensemble absolument gigantesque, il faut le rappeler, de l'Empire Inca. Mais tout cela se réalise en très peu de temps. Laurence Egalini, vous êtes ethno-historien, c'est vrai qu'il y a une réflexion à mettre en place sur une acceptation aussi rapide, c'est-à-dire que ce qui est proposé en fait est facilement acceptable. Alors c'est une acceptation rapide. Parce qu'elle repose également sur une relation personnelle entre l'Inca et les chefs locaux par un biais d'échange, justement. Mon collègue parlait de réciprocité, ça se fonde là-dessus. Donc l'Inca offre des femmes de sa parentèle aux gouverneurs, enfin aux chefs locaux, qui lui, en échange, il y a un échange de femmes, par exemple, qui fonde cette... Un lien qui peut aussi être mis très rapidement en question, simplement parce que les populations n'acceptent pas nécessairement de travailler comme elles le devraient pour le souverain et l'empire. Donc il peut y avoir des rébellions qui sont matées, un changement de souverain également, il peut y avoir une instabilité. Donc c'est des liens à chaque fois qu'il faut renouer, des liens personnels qu'il faut renouer entre le souverain et les différents chefs locaux. Oui, des liens à renouer sans cesse entre le souverain, les chefs locaux, avec toujours des liens à la divinité. Peter Ekaout, dans votre lecture de la réussite, on va le dire, en si peu de temps de l'Empire Inca, eh bien, il y a cette acceptation, cette assimilation rapide, mais qui doit se comprendre de plein de manières, en fait. Je comprends qu'il y a des alliances matrimoniales, il y a un système avec des divinités, il y a aussi... une efficacité administrative et puis des tribus. En fait, si cela fonctionne et si cela fonctionne vite, c'est qu'il y a un intérêt à tirer de faire partie de l'Empire Inca. Oui, alors bon, d'abord effectivement, comme mon collègue l'a souligné, ça se passe pas toujours aussi bien. Hein. Il y a des rebelles, il y a des gens qui sont réticents, etc. Mais dans l'ensemble, il y a, semble-t-il, effectivement un intérêt à être intégré dans ce grand réseau d'échanges aussi qu'est l'Empire Inca. Où on n'arrête pas de le rappeler, c'est très très grand, c'est très varié d'un point de vue écologique, donc il y a des tas de ressources différentes en fonction des régions, et pour éventuellement pouvoir en bénéficier, eh bien être intégré dans l'Empire, ça peut être une bonne solution. Les Incas étant par ailleurs, moi c'est ce que je trouve le plus remarquable dans cette civilisation, ils n'inventent pas énormément de choses, parce que, comme on l'a rappelé, il y a eu d'autres empires avant eux, il y a eu toute une série, disons, de systèmes d'exploitation des ressources, etc., qui existaient bien avant eux. Par contre, ce sont des génies en matière de ressources humaines. Et c'est ce qui explique pourquoi, justement, ils ont pu construire, par exemple, un réseau routier tout de même de dizaines de milliers de kilomètres de long, et puis toute une série de sites toutes plus gigantesques et impressionnants les uns que les autres, et parvenir à fédérer les gens par le principe de la corvée pour réaliser tout cela. Donc là, on a vraiment quelque chose de tout à fait remarquable, avec un contrôle différencié et perpétuellement renégocié, effectivement, là j'abonde dans le sens de mon collègue, en fonction des aléas, notamment de l'histoire impériale, hein, qui passe par, disons, des crises, en particulier lorsqu'il s'agit d'élire un nouveau souverain. Avec des sites majeurs qui écrasent en fait ces aléas du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous retenons uniquement ces sites parfois. Et c'est pour ça qu'avec vous, on peut regarder plus loin, c'est bien. Mais c'est aussi très agréable d'aller faire une petite visite au Machu Picchu. Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Un camp ? Quelqu'un nous a devancé. C'est sans aucun doute un groupe d'archéologues en expédition. Inventons une histoire. Faute d'essence, nous sommes tombés en panne, entendu ? On cherche de l'essence. Et toi et moi, que sommes-nous l'un pour l'autre ? Frères et sœurs ? Personne ne le croira, moi le premier. Disons simplement que je pilote ton avion. Hola ! Hola ! Ayamoye, taetata. Un peu plus tard. Il s'occupe d'une affaire importante. Attendez. Vous parlez français? On me l'a enseigné à l'université de Cusco. Que fait-on là-dedans? On ramène au jour la Mamacuna. C'était la grande prêtresse. Sa momie a été découverte ce matin. Troubler les sépultures, ça ne devrait pas être permis. Y avait-il un trésor? Non. Mais on espère découvrir la tombe du dernier chef Inca. Je sais bien qu'on cherche la tombe de Manco depuis fort longtemps. Vous savez son nom? Mais pas le vôtre. Je m'appelle Pachacutec. Et vous? Je m'appelle Harry. Enchanté. Le secret des Incas, un film de 1954 de Jerry Hooper avec Charlton Heston, un film qui a servi de modèle d'inspiration à Indiana Jones. Et bien justement, dans la tentative que nous faisons avec vous de comprendre pourquoi ces Incas nous fascinent tant, il y a ce côté mystère. Alors il y a tout l'aspect Eldorado dans un premier temps, mais qui se poursuit en fait avec la quête des vestiges historiques qui trouble, c'est le cas du Machu Picchu. Laurent Cigalini, c'est vrai qu'un site tel que le Machu Picchu, découvert si tardivement, ne peut qu'impressionner. Et aujourd'hui encore, bien sûr, il y a la compréhension faite grâce aux travaux des historiens, des historiennes, des chercheurs, des archéologues, mais il fascine toujours. Alors bien sûr, notamment par sa localisation. C'est un site perché au bord d'un pic qui plonge vers la forêt tropicale. Il est effectivement très impressionnant et quand on arrive par le haut, on découvre une perspective tout à fait étonnante. Après, c'est vrai que voilà, cette vision romantique du site perdu redécouvert, il faut aussi la nuancer un petit peu, puisque Machu Picchu était déjà connu malgré tout des Espagnols. Il appartenait à un territoire qui appartenait en propre à Francisco Pizarro. On sait à peu près l'Inca qui a fondé cette cité. Ça n'a pas été une cité refuge, comme on l'a dit souvent, d'Incas rebelles particulièrement. Oui, parce que ce site, en fait, a focalisé les attentions, et très bien, parce que le site est sidérant. Mais il y a d'autres sites, Peter Eckhout. Vous étudiez un site pas très loin de Lima. Quels sont ces sites que l'on peut visiter? Je vous pose la question parce que quand nous nous projetons sur une autre civilisation de l'Amérique précolombienne, nous pensons Maya avec plein de sites très bien identifiés. En l'occurrence, pour les Incas, qu'avons-nous? Alors, on a d'une part, effectivement, on vient de parler de Machu Picchu, les sites qui se trouvent dans ce que l'on appelle la vallée sacrée, c'est-à-dire la vallée où se trouve la capitale des Incas, le Cusco, et des sites que l'on qualifie parfois de palais de campagne, dont Machu Picchu, hein, qui était un site occupé seulement quelques semaines par an par l'Inca, et on en a ainsi d'autres, Ollantaytambo, Pisac, Chinchero, etc., et qui montrent cette belle architecture Inca en pierre qui est un petit peu la marque de fabrique de l'Empire. Mais on a également, dans tout ce grand empire, d'autres sites, hein, qui sont parfois d'une allure totalement différente parce que les Incas ont utilisé la force de travail et, on va dire, les habitudes locales pour construire ces sites, même si eux les ont parfois planifiées, parfois se sont appropriées des sites qui existaient, de civilisations complexes qui les ont précédées et qui disposaient déjà d'entrepôts, de palais, de systèmes éventuellement défensifs, etc., etc. Donc on a une grande variété, si vous voulez, de sites qui se développent ou bien s'épanouissent sous l'Empire Inca, même s'ils ne correspondent pas tous à l'image traditionnelle que l'on a d'un site Inca. Oui, voilà, parce que c'est cela aussi. Il faut évidemment passer par l'image que nous avons pour ensuite déconstruire cet ensemble. Laurent Segalini, quand vous discutez autour de vous, de vos travaux, de votre recherche, comment percevez-vous la réaction des gens? Vous avez l'impression d'avoir à démonter de nombreux clichés sans cesse, ou alors il y a peu à peu une connaissance qui est un peu plus fine de ce monde Inca? Alors les clichés sont puissants puisqu'ils sont pluriséculaires, ils remontent à 5 siècles à peu près, hein. C'est-à-dire que les Incas hantent l'imaginaire européen depuis 5 siècles, et en France notamment, mais depuis Montaigne, en passant par Rameau, jusqu'à effectivement, on parlait d'Hergé tout à l'heure, les mystérieuses cités d'or. Donc c'est, il y a une vision qui est très très engrammée et qui est très liée à un chroniqueur métis du début du XVIIe siècle, Garcilaso de la Vega, donc fils d'une princesse Inca et d'un capitaine espagnol, et qui, loin de chez lui, exilé en Espagne, rêve à sa culture à lui, qu'il imagine, et il présente effectivement un empire bienveillant, puissant, qui s'inscrit également dans les utopies du XVIIe siècle, hein. Il était néoplatonicien, donc il y a cette dimension de justice, de sacralité, de lumière, qui a beaucoup imprégné la culture. Et puis, contrairement aux Aztèques, par exemple, les Incas n'ont pas commis de, comment dire, ils n'avaient pas l'habitude de sacrifices sanglants de masse, ni de divinités trop étranges. Leur divinité, des divinités essentiellement naturelles, célestes. Alors oui, il y a eu des sacrifices humains, notamment des enfants, hein, qui étaient sacrifiés, mais pas dans la même mesure que l'Empire aztèque. Donc tout ça a favorisé une vision positive, hein, depuis 5 siècles. Une vision positive depuis 5 siècles. Et puis, il faut le rappeler, toujours, il y a les travaux, vos travaux à l'un et à l'autre, tous vos écrits, il y a les articles, l'accumulation d'ouvrages, il y a l'émission aussi, Enquêtes archéologiques, hein, Peter Eckhout sur la très bonne chaîne Arte, mais il y a, face à tout cela, parfois un album de bande dessinée. Étranger, vous avez commis l'imprudence de pénétrer dans le temple du soleil. Vous paierez ce sacrilège de votre vie. De notre vie? Non, mais vous croyez que nous allons nous laisser massacrer ainsi, espèce de cannibale emplumé? Noble fils du soleil, notre but n'a jamais été de commettre un sacrilège. Nous sommes à la recherche de notre ami, le professeur Tournesol. Votre ami a osé se parer du bracelet sacré de Raskar Kapak. Votre ami sera lui aussi mis à mort. Nul tonnerre de Brest! Vous n'avez pas le droit! C'est de l'assassinat pur et simple! Aussi, ce n'est pas nous qui vous mettrons à mort. C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné. Quant à ce jeune Indien qui a trahi sa race, il subira le châtiment réservé aux traîtres, qu'il soit égorgé sur l'autel du soleil. Mille milliards de mille sabords, le premier qui touche à un seul cheveu de la tête de ce garçon! Sorino, ta médaille. Sorino, la médaille, dit Tintin. Tintin est le temple du soleil. Eh bien, justement, Peter Eckhout, sur un album tel que Tintin est le temple du soleil, et puis décliné, hein, d'autres manières, en plus, en dessin animé, télévisé et filmé, il y a une réflexion à avoir. Est-ce que tout est faux parce que nous parlions de sacrifice d'enfants? Voilà, là, nous en avons un qui est évoqué dans cet album. Alors d'abord, Hergé s'est basé sur des sources ethno-historiques, notamment, hein, on parlait des chroniqueurs à l'instant, il était très bien documenté, et même s'il a par la suite, il faut le dire, un peu renié cet album parce qu'il a cru présenter les Incas comme des sauvages par rapport notamment à cette affaire de soleil et d'éclipse dont tout le monde se souvient et qui sauve Tintin quelque part, en réalité c'est tout à fait exact. Donc cet aspect des choses, les Incas qui n'étaient pas à même de pouvoir prédire des éclipses solaires, etc., c'est tout à fait vrai. Les sacrifices d'enfants, mon collègue l'a rappelé, cela arrive, si je puis dire. Les plus connus sont évidemment ceux de, qu'on appelle de Capacocha, c'est-à-dire des grandes cérémonies qui sont en rapport avec la personne de l'empereur et avec l'empire tout entier, au cours desquelles on faisait venir des enfants de toutes les parties de l'empire, une série de cérémonies au Cusco, et ensuite on les renvoyait vers ces montagnes sacrées et ces divinités incarnées dans le paysage, où elles étaient finalement sacrifiées et où des archéologues les ont retrouvées, congelées, hein, au sommet de ces névades, comme on les appelle. On en trouve aussi, nous en avons trouvé dans nos fouilles, de temps à autre, mais certainement pas au même degré, effectivement, de sacrifice de masse que ce que les Espagnols horrifiés ont découvert à Mexico. Donc, les sacrifices existaient, sacrifices d'enfants, mais c'était plutôt quelque chose de ponctuel. Et d'ailleurs, au passage, parce que le mode sacrificiel peut être intéressant, on sait que chez les Aztèques, on vous coupe la tête et on vous arrache le cœur pour un oui, pour un non, mais tandis que chez les Incas, là, le mode sacrificiel est un petit peu différent, et souvent, ce sont des coups sur la tête, des empoisonnements, un étouffement, on est enterré vivant, enfin, c'est un peu plus civilisé. C'est un peu plus civilisé. Dites-nous, Laurent Cigalini, ben, justement, les Espagnols ont été horrifiés parce qu'ils ont vu chez les Aztèques, donc nous sommes au Mexique, et il y a un regard différent avec ce qu'il voit chez les Incas. Pourtant, avec les conquistadors comme Pizarro dans les années 1530, eh bien tout cela s'effondre très très vite. La question se pose, mais pourquoi l'Empire s'effondre aussi rapidement? C'est-à-dire que les bases n'étaient pas si solides que ça? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, oui, les bases n'étaient peut-être pas nécessairement si solides, surtout un empire qui se constitue rapidement est voué à une disparition tout aussi rapide, mais en l'occurrence, s'agissant des Incas, c'est avant tout une guerre de succession qui a miné le pouvoir Inca entre deux demi-frères qui aspiraient à la couronne suite à la mort de leur père Huayna Capac, qui était mort d'une maladie apportée d'Europe, hein, directement, qui s'était propagée jusqu'à Cusco. Et donc c'est une guerre fratricide pour la succession au pouvoir dont les Espagnols vont tirer profit. Oui, parce que là, nous avons un contexte extrêmement particulier d'une guerre de succession et d'une maladie, la variole, qui est apportée par les Espagnols et qui explique pourquoi l'Empire s'effondre. Et puis, Peter Ekaout, il y a aussi l'intelligence, si l'on peut utiliser ce mot, des conquistadors, de diviser les Incas pour détruire l'Empire presque de l'intérieur. Oui, absolument, hein, parce que, on l'a rappelé, c'est un empire relativement fragile, avec des alliances qui doivent sans cesse être renégociées, avec des gens qui ne sont pas contents, avec, dans le contexte que mon collègue a rappelé, des factions opposées, dont effectivement les Espagnols sauront jouer en s'alliant des uns des autres. Et si des armées formidables sont opposées aux quelques dizaines ou aux quelques centaines de soldats espagnols selon les moments, ces Espagnols sont accompagnés d'alliés locaux. Hein, donc là aussi, on a même en termes purement militaires, purement stratégiques, des choses qui doivent être peut-être un peu rééquilibrées. Il y a également des avantages qui sont liés à la science militaire des Espagnols et aux croyances locales. Ainsi, par exemple, dans les Andes, il est tout à fait inimaginable de se battre la nuit, dès que, pour des raisons de croyance. Et dès que les Espagnols vont avoir vent de cela, ils vont s'empresser de faire des raids nocturnes, bien entendu. Oui. Donc, y a ainsi toute une série de choses qui vont être mises en place. La suprématie des armes en fer, en acier des Espagnols est incontestable, et au tout départ en tout cas, le fait d'avoir des chevaux et des arquebuses a pu impressionner. Et puis il y a eu cette confusion, un peu à l'instar de ce que l'on a pu observer également du côté de Cortés au Mexique, quant à savoir exactement de la part des Incas et des natifs, mais qui sont ces Espagnols, hein? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que c'est Viracocha qui revient, etc.? Bon, assez rapidement on s'est rendu compte que c'était des mortels, mais néanmoins, au départ, il y a eu quand même cette incertitude et le fait que, et là c'est cet épisode incroyable de Caramarca, où l'empereur qui est sur le point de gagner cette guerre civile à Atahualpa, hein, dont on vient de parler, donc cette guerre de succession, accepte que les Espagnols se rendent dans son palais à cet endroit-là et va se faire kidnapper parce qu'il ne les craint pas. Il n'imagine pas un seul instant qu'on puisse attaquer à sa personne sacrée, hein, sacrée dans son contexte culturel à lui, mais c'est une proie pour Pissarro. C'est une histoire fascinante que celle de cet empire inca, avec ces nombreux clichés que vous nous avez aidés hein, l'un et l'autre, Peter Ekaouk et Laurence Egalini, à conforter ou à démonter. Mais vraiment, c'est un monde passionnant que celui des Incas, et votre approche eh bien, nous a vraiment porté dans cette émission. Donc je vous remercie vivement tous les deux de cette visite dans cet empire inca. Et pour le moment, dans le cours de l'histoire, nous rejoignons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, les guerres de l'opium au cœur de la réforme des manuels d'histoire de Hong Kong, une réforme opérée par Pékin bien sûr. À la rentrée de septembre, les collégiens de Hong Kong, l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine, apprendront une histoire de la guerre de l'opium un peu différente de celle apprise par leurs aînés selon Courrier International. Le récit de la première guerre de l'opium qui s'est déroulée de 1839 à 1842 s'en trouve radicalement transformé. Parce que cette guerre contre la Grande-Bretagne est une humiliation pour la Chine qui ne l'a pas voulu. À la fin des années 1830, l'empire de la dynastie des Qing est en crise. Les rébellions contre leur autorité se multiplient, les finances sont en berne et l'armée avec elles. Impossible de remettre en cause le pouvoir en place, il faut donc trouver un autre coupable. L'influence toxique d'une puissance étrangère fait un parfait bouc émissaire. Le subterfuge n'est pas totalement menteur puisque les marchands anglais, relégués à la marge du marché chinois, ont imaginé une stratégie incontestablement condamnable pour s'ouvrir les portes commerciales de l'Empire du Milieu, de gré ou de force. Les échanges commerciaux sont alors très inégaux entre les deux pays. La Grande-Bretagne et son empire consomment massivement le thé chinois, alors que la Chine boude les produits proposés par son débiteur, un déséquilibre insupportable auquel les Britanniques trouvent un remède tout à fait pervers. Ils importent illégalement l'opium indien sur le sol chinois, un trafic qui fait bientôt les ravages attendus et contre lequel une guerre est déclarée et perdue face à la supériorité militaire du Royaume-Uni qui impose ses conditions de paix dans le traité de Nankin en 1842. Un traité qui ouvre les ports chinois aux navires marchands, inflige des réparations financières à l'État chinois et enfin un texte qui cède l'île de Hong Kong à perpétuité à la couronne britannique. Mais cette première guerre de l'opium n'est pas immédiatement considérée comme un jalon déterminant de l'histoire chinoise. Jusqu'aux années 1910, cette première guerre de l'opium n'apparaît dans les manuels d'histoire moderne que comme un incident parmi d'autres, dans un 19e siècle vécu comme un long traumatisme dans la relation de la Chine au reste du monde, selon Julia Lovell, dans le dossier que consacrait le magazine L'Histoire aux guerres de l'opium en janvier 2020. Les nationalistes comme Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, mais aussi Mao Zedong, utilisent l'événement pour en faire le premier épisode de l'agression occidentale contre la Chine, dont il devient le symbole. La mémoire de la première guerre de l'opium permet alors de revitaliser la défiance vis-à-vis de l'influence de l'Occident, mais aussi de discréditer aux yeux des nostalgiques le régime mandchou déchu, impuissant à l'époque face à l'agression étrangère. Elle constitue dès lors un élément central dans la politique éducative des nouveaux partis politiques chinois, seul capable de protéger le pays contre la vaste conspiration impérialiste dont elle aurait été le premier acte. Aujourd'hui, dans les histoires officielles en Chine, cette guerre contre le colonialisme européen et la guerre de l'opium constituent toujours la source historique où le gouvernement communiste puise une bonne partie de sa légitimité. Hong Kong est redevenue chinoise et la première guerre de l'opium est réécrite pour enserrer l'île dans l'histoire officielle. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. C'est une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Vidas, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwen Guizhou. Oui, toute la semaine nous avons parlé des Amériques avant l'Amérique. À réécouter, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, un sujet passionnant. Demain, être noir en France avant l'abolition de l'esclavage.